encourager Jean et ceux qui vont lire le livre d'Apocalypse que ces choses sont pour bientôt. Il le dit à plusieurs reprises, au verset 6, au verset 7, au verset 10, au verset 12, au verset 20, il dit à plusieurs reprises, je viens bientôt, ces choses vont arriver bientôt. Vous allez dire, mais François, bientôt, ça fait longtemps, ça fait 2000 ans. Bientôt, ces choses vont arriver. C'est dur pour nous d'avoir la pensée de Dieu ici. Pour Dieu, le temps n'existe pas. On sait ça. Lui est en dehors du temps. Nous, on vit avec des cadrans, des horloges, des montres, c'est omniprésent dans nos vies. Et on vit, les meilleurs d'entre nous, 100 ans. Donc, quand quelqu'un nous dit que ça va arriver bientôt, on le voit beaucoup plus proche que 2000 ans ou 3000 ans. On ne sait pas quand il va revenir. Mais cet espace de temps entre les prophéties et la fin des temps, c'est bientôt, je crois, en comparaison de l'éternité. Bientôt, on doit avoir une règle de mesure. Quand on dit nous allons avoir bientôt des tomates, ça veut dire quelques mois avant qu'ils arrivent. Quand quelqu'un parle à son enfant, il dit bientôt tu vas aller à l'université, il parle d'une dizaine d'années, d'une douzaine d'années. Quand une mère parle à sa fille, bientôt tu vas te marier. On parle de 10, 12, 15 ans. Quand on nous dit bientôt, je vais mourir, on parle de 50, de 40, de 30, de 10 ans. Donc, pour nous autres, c'est comme ça. Mais quand Dieu dit, par son ange, ces choses vont arriver bientôt, c'est en comparaison de l'éternité. Bientôt. Il dit au verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Tellement de monde ont écrit des livres sur toutes sortes de prophéties pour essayer de convaincre un auditoire ou des lecteurs qu'ils savent comment le monde va se terminer. Combien ont prédit la fin du monde de toutes sortes de manières possibles et imaginables. Et plusieurs ont été trouvés menteurs, hein, parce que les choses ne se sont pas produites comme il l'avait dit. Mais ici, l'ange dit à Jean, « Ces paroles sont certaines et véritables. » Ce que je viens de te dire dans ces 22 chapitres-là, c'est vrai. C'est vérité. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de Dieu. Et il dit au verset 6, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Donc, ce que les prophètes ont annoncé vient de Dieu. Et les paroles qui te ont été transmises, Jean, te sont transmises par un ange de la part de Dieu. Ces versets 6, 7 et 8, c'est quasiment une répétition des 3-4 premiers versets de l'Apocalypse. Il a commencé avec cela. Dieu qui dit à son fils, qui dit à l'ange, qui dit à Jean, les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la même vérité ici. Dieu les a montrées, au verset 6, à ses serviteurs. Ces choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver vont servir seulement qu'aux serviteurs de Dieu. Parce que les autres qui ne sont pas des serviteurs et des servantes de Dieu vont pas y croire, vont les changer, vont les manipuler, vont les discréditer. Parce qu'ils ne croient pas, donc ils vont pas leur servir à rien. Mais Dieu les a montrés à ses serviteurs ses vérités, ses prophétie pour les encourager à persévérer dans le service de Dieu et dans l'adoration de Dieu jusqu'à la fin. Donc, le livre de l'Apocalypse n'est pas pour les inconvertis. Quand ils le lisent, ils le ridiculisent la plupart du temps. Ou ils en ont peur. Ils le rejettent. Mais pour ses serviteurs, c'est une assurance. Ça les fortifie, ça les encourage, ça les stimule à la persévérance et à la foi. Et le verset 7 dit, « Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Il avait dit la même chose au verset 5, je pense, ou au verset 4 du premier chapitre. « Heureux ceux qui lit les paroles de la prophétie. » Et ici, il dit « Heureux ceux qui les gardent les paroles de la prophétie. » Garder ici, ça veut pas dire les garder dans un livre sur une étagère. Ça veut dire les garder dans son cellulaire. J'ai une Bible dans mon cellulaire, c'est pas ça qu'il parle. Il parle de les garder dans le cœur, de les accaparer, de garder la foi dans ces paroles-là de la prophétie de ce livre. Ceux qui s'y attachent, ceux qui y persévèrent, vont être heureux pour l'éternité avec le Dieu des esprits des prophètes. Comment peut-on espérer être heureux dans l'éternité avec Dieu si on a rejeté les paroles de Dieu? Impossible, n'est-ce pas? Et quand Jean entend cela, il dit au verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai eu entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange pour l'adorer. » Et l'ange lui dit, « Non, non, non, garde-toi de faire cela. Garde-toi de m'adorer pour cela. Je suis seulement un compagnon de service. Je suis un serviteur comme toi, Jean. Je suis une créature comme toi. Je ne suis pas plus que toi, pas moins que toi. Je suis un ange au service de Dieu. Et toi, tu es un être humain au service de Dieu. Adore Dieu. » Adore-le, lui. Et il dit ici que les compagnons des anges sont les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il dit, je suis ton compagnon, donc moi je suis le compagnon de l'ange aussi. On peut le mettre dans les deux sens. Je suis votre compagnon de service et nous on est les compagnons de service des anges auprès de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous a révélé, comme aux anges, parce que les anges ne sont pas omniscients, ne connaissent pas l'avenir, et les anges connaissent l'avenir parce que Dieu leur révèle, comme il nous l'a révélé à nous, qu'est-ce qui va arriver dans les temps. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Heureux. Frères et sœurs, en lisant l'Apocalypse et en l'étudiant comme nous venons de faire, j'espère que ça le produit en vous, comme en moi, l'adoration. Tu ne peux pas lire le livre de la prophétie sans adorer Dieu. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un croyant. Tu n'es pas un compagnon de service des anges. Tu n'es pas un compagnon de service des prophètes. Tu n'es pas un serviteur de Dieu, parce que serviteur, les anges, les prophètes, Jean et toute l'Église adorent Dieu en lisant et en gardant les paroles de la prophétie de ce livre. Ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse et qui en font un film à la Bruce Willis n'adorent pas Dieu. Car ils ont changé, ils ont enlevé et changé les paroles de ce livre. Ils n'y auront point part. Donc, il dit, ces paroles vont arriver bientôt. Je viens bientôt. Garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il dit au verset 10, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Ne le scelle pas. On scellait un sceau ou un livre pour empêcher les gens de le lire, de l'ouvrir. Souvenez du rouleau aux sept sceaux que personne ne pouvait ouvrir. Jésus a enlevé les sceaux, il a pu lire le livre. Dieu avait dit à Daniel de sceller le livre, afin que personne ne le sache. Mais ici, il dit, ne le scelle point, afin que tout le monde puisse avoir accès aux paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche. Les gens doivent savoir, les gens doivent voir et lire et entendre ce qui va arriver. Les hommes de ce temps, de notre génération, qui parlent de la fin des temps, essayent toujours de présenter ça d'un côté positif afin que les gens puissent pas perdre courage. Mais ici, l'auteur dit, ne le scelle pas. Il faut que le message soit connu. Il faut que le message soit connu. Car le temps est proche. Le monde doit savoir comment ça va se terminer. Le monde doit savoir le dénouement. Mais surtout dans l'Église. L'Église doit savoir, parce que le livre a été donné à cette Église. L'Église devait savoir comment ça allait se terminer. Parce que dans l'Église, il y avait toutes sortes de fausses doctrines qui se propageaient déjà à ce temps-là. Même dans Thessalonique ou ailleurs, dans Corinthiens, on a amené des mensonges pour tromper les gens. Dans 1 Pierre, dans l'Église, il y avait des faux docteurs, des faux prophètes qui disaient « Ah, oh, il a dit qu'il reviendrait bientôt, puis c'est pas encore arrivé, papapapapa. » Il dit « Ne le scelle pas. L'Église doit être au courant de ce qui va se passer. L'Église doit être au courant des malédictions qui vont atteindre ceux qui ne gardent pas les paroles de la prophétie. Et l'Église doit savoir les bénédictions qui vont arriver sur ceux qui les gardent. Car le temps est proche. Le temps est proche. Ensuite, il dit, au verset 10 et au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'est pas en train d'encourager le mal ici. Il n'est pas en train d'encourager le mal. Mais il dit que le temps est proche. Ne change pas. Garde. Garde. Le temps vient. Où est-ce que Dieu va intervenir auprès de ceux qui sont souillés, ceux qui se sont vautrés dans le mensonge, ceux qui ont cru à l'injustice ou qui ont cru à l'injustice ou qui ont pratiqué l'injustice. Je ne crois pas ici que l'auteur est en train d'encourager le mal, mais qu'il est en train de dire les choses sont proches. Les choses vont arriver bientôt. Garde ce que tu as. Laisse ceux qui sont souillés se souiller. Mais toi, garde la vérité. Les choses vont arriver bientôt. Garde, continue à pratiquer la justice. Toi qui es saint, continue à te sanctifier. Continue à rester à part des autres. Continue à t'éloigner du monde et garder la vérité en Jésus-Christ. Et il dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Celui qui est injuste, celui qui est souillé, va recevoir selon sa souillure. Mais celui qui pratique la justice et qui se sanctifie vont recevoir selon sa justice et sa sainteté. Dieu va donner à chacun selon son œuvre. On avait vu au jugement du grand trône blanc qu'un livre, le livre des œuvres avait été ouvert, et chacun va être jugé selon ses œuvres. Ici, il a mis l'œuvre au singulier, selon son œuvre. Je crois que ça fait rapport à sa vie face à Dieu et face à Jésus-Christ. Le moment du jugement et de la rétribution vient bientôt. Persévère. Persévère. Ne lâche pas. Tu vas bientôt être récompensé pour la foi que tu as en Jésus-Christ. Pour la foi que tu as eue dans le livre de la prophétie. Le moment de rétribution arrive bientôt. Oh, ça me fait penser que quand j'étais jeune, que j'allais à l'école primaire, on essayait de nous encourager à l'étude, à bien travailler. Et le professeur nous mettait souvent devant les yeux la fin de l'année, où est-ce qu'on va recevoir notre bulletin. Et il y avait aussi des cadeaux, des récompenses. Et en vieillissant, mais ça ne suffisait pas. Donc, on a encouragé aux études, au cégep, à l'université, en faisant miroiter les bienfaits d'éducation, les bienfaits de prestige, les bienfaits monétaires, de gloire humaine, à ceux qui étudiaient, qui réussissaient bien, qui allaient jouir de leur travail à la fin de leurs études. La rétribution vient bientôt. Persévère, n'abandonne pas. Il dit au verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est moi qui ai commencé toute chose et c'est moi qui vais terminer quelque chose. » Et la fin va venir au moment de la rétribution. Au moment où il va récompenser ses fidèles serviteurs et au moment où il va châtier les rebelles, les idolâtres. C'est pour ça qu'il dit au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, c'est sous-entendu, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. » D'avoir droit à l'arbre de vie qui est dans la Nouvelle Jérusalem qu'on a vu ensemble. Mais, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque y aime et qui pratique le mensonge. Donc, tous ces synonymes-là, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, c'est toute la même gang. C'est tous des synonymes. C'est des gens qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté le moyen de se purifier. Au lieu de laver leur robe dans le sang de l'agneau, ils ont essayé de se purifier de toutes sortes de manières, en se réincarnant, en pratiquant une religion quelconque, en s'abstenant de certaines choses, en faisant certaines choses. Ils ont rejeté le salut seul par la foi en Jésus-Christ. Et ils ont essayé de se purifier eux-mêmes. Ou, tout simplement, ils ont rejeté en bloc tout ce que Dieu avait dit, tout ce que Jésus avait enseigné, tout ce que ce livre de la prophétie a dit. Et au verset 16, il redit encore une fois, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité à vide, l'étoile brillante du matin. C'est moi qui vous ai dit toutes ces choses par mon ange. » C'est les paroles de Jésus. Tu ne peux pas rejeter le livre de la prophétie sans rejeter celui qui les a donné ces paroles-là, qui est Jésus lui-même. Le verset 17 dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Et celui qui entend dise, viens, Seigneur Jésus. Que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Viens. Viens. Viens. Et lave ta robe dans le sang de l'agneau. Viens, bois de l'eau de vie afin d'avoir droit à la Nouvelle Jérusalem, au nouveau ciel, nouvelle terre. Viens. En même temps qu'il y a un désir que ces choses-là arrivent, il y a un désir que celui qui entend cela, ou celui à qui on dit ces vérités, ces paroles, puisse venir lui aussi et boire de l'eau de la vie. Là, il y a un avertissement très sérieux. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Celui qui y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un lit ce livre et y rajoute quelque chose, change le contenu en y rajoutant, il va subir les fléaux de ce livre. Les fléaux qui vont arriver sur la terre et les fléaux qui vont arriver dans l'étang de feu et de soufre pour l'éternité. Parce que c'est le fléau complet, ultime. Puis là, il le dit de nouveau d'une autre façon. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Encore une fois ici, comme dans plusieurs passages de l'Apocalypse, certains y voient la perte du salut. Mais c'est pas ça que l'auteur dit ici. Parce qu'il a donné le livre à l'Église. Donc, dans l'Église, c'est des gens qui disent croire, qui prêchent, qui annoncent l'Évangile, qui vont recevoir ce livre-là. C'est pas les convertis, c'est pas dans le sens le monde qui a reçu le livre, c'est l'Église qui a reçu le livre. Il dit, si vous enlevez quoi que ce soit de ce livre, parce que vous le trouvez trop dur, parce que vous le trouvez incompréhensible, parce que vous voyez une forme d'injustice, ou que vous voulez, si vous en... C'est pour ça que dernièrement que j'entendais des gens qui disaient qu'il n'y avait pas d'enfer. Ouh! Attention! Si je retranche et que je dis qu'il n'y a pas de seconde mort, là où ce que Satan, le prophète et la bête vont souffrir éternellement, vont être tourmentés au siècle des siècles. Si je dis que c'est pas vrai ça et que j'enlève ça, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. C'est comme il avait dit que je vais enlever ton nom du livre de la vie. Une des églises. C'est la même vérité, c'est le même jugement ici. Je vais te combattre de ma bouche, je vais t'enlever ton chandelier, je vais te vomir de ma bouche, je vais te détruire. Si tu changes en ajoutant ou en enlevant quelque chose à ce livre que j'ai écrit, ou que j'ai annoncé et que j'ai fait écrire par Jean, mon prophète, tu vas subir la colère de Dieu complètement jusqu'à la lie. Au verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Celui qui a attesté, c'est Jésus. Il dit, je viens bientôt. La réponse de Jean, la réponse de l'Église doit être la même. La réponse de chacun de nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Nous disons Amen. Ou ce qui veut dire en français, ainsi soit-il. Viens, Seigneur Jésus. Nous désirons que tu viennes, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu viennes. Non pas parce qu'on est malade, non pas parce qu'on a des problèmes, non pas parce que ça va mal dans le monde, non pas parce qu'il y a des gars autour de nous. Viens, parce que quand tu vas venir, ta gloire va resplendir. Viens chercher ton Église, parce que nous allons être un sujet de gloire pour toi. Viens chercher cette épouse, l'agneau de Dieu, de, l'épouse de l'agneau de Dieu, qui va être montré dans toute sa bonté, et que toi qui l'as préparé cette épouse, tu vas retirer de la gloire de tout cela. On a hâte que cela arrive, non pas pour nous soulager de nos maux, mais pour que tu sois glorifié, exalté par les anges et par les saints pour l'éternité. Que la grâce, Seigneur Jésus, soit avec vous. Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est par grâce qu'on a été sauvés. Et c'est par grâce que nous allons persévérer. Et c'est par grâce que nous allons être glorifiés. Gardez-vous dans la grâce. Ceux qui s'éloignent du livre de cette prophétie, c'est parce qu'ils ne restent pas attachés à la grâce du Seigneur Jésus. Parce que ce livre ici est une manifestation de la grâce de Dieu envers les élus et de la colère de Dieu envers les rebelles, les idolâtres. Mes frères et sœurs, j'étais heureux de voir ce livre-là avec vous. J'étais heureux. J'étais heureux pour moi de le refaire. C'est ma 6e fois, je pense, que je le fais, que je l'enseigne. Et à chaque fois, j'ai une motivation plus grande dans ma vie de rester attaché à la grâce de Dieu. Dans les moments où tu vas avoir des difficultés dans ta vie chrétienne, ça va venir. Il y a des moments où tu auras des doutes, ça va venir, parce qu'on est encore dans la chair. Il y aura des moments où on va te confronter de la part du monde, de la part des faux prophètes, de la part des gens qui sont dans l'Église qui vont vouloir mettre en doute les paroles de ce livre de la prophétie, ou les paroles de la Bible dans son entier. N'y enlève rien, n'y ajoute rien. Reste attaché aux paroles de la prophétie. Notre Père du ciel, merci de nous avoir révélé à nous, tes serviteurs, les paroles de ce livre. Nous tombons sur notre face à tes pieds et nous t'adorons. Que tu es un grand Dieu. Oui, tu es l'alpha et l'oméga. Oui, tout a été fait par toi et pour toi. Seigneur, que ta grâce nous accompagne jusqu'à ton retour.